Moi j'ai connu MJ par un pote du quartier, et rien n'avait prédit que j'allais l'adorer. Il m'a amené chez elle au milieu de la forêt, et c'est sur cette parcelle que ma vie a changé. Je l'ai trouvée jolie dès le premier coup d'œil, ses sœurs l'étaient aussi, il fallait que je l'accueille. Elle sentait le rire et la détente, elle avait l'odeur du bon temps. Ce goût d'interdit qui me tente, elle inspirait les bons moments. Oh Marie-Jeanne, c'est toi qui as transformé ma vie. Oh Marie-Jeanne, toute ma vie. Oh Marie-Jeanne, c'est toi qui as transformé ma vie. Oh Marie-Jeanne, toute ma vie. Alors sans hésiter, on a fait des petits, très vite adoptés par mes nombreux amis. On a vécu heureux comme une grande famille, on vivait pour nous deux sans souci. Je m'occupais de toi, toujours au petit soin, tu m'as rendu 100 fois tout ce que je faisais de bien. Et sans vraiment se fatiguer, on a construit nos lendemains. On avait tout, rien ne manquait, c'était de l'or au creux des mains. Oh Marie-Jeanne, c'est toi qui as transformé ma vie. Oh Marie-Jeanne, toute ma vie. Oh Marie-Jeanne, c'est toi qui as transformé ma vie. Oh Marie-Jeanne, toute ma vie. Transformer ma vie.